Bonjour et bienvenue au Flamingos Podcast. Le Flamingos, bah ça pourrait être le nom d'une pizzeria. Elles sont bonnes nos pizzas au Flamingos. Ça pourrait être aussi le nom d'une discothèque. Ambiance maximum au Flamingos. Et si le Flamingos c'était le nom d'un club de tango argentin? Allez, tous en rythme. 1, 2, 3, 4, on danse. Le Flamingo, c'est un peu tout ça à la fois. Un lieu culturel où chaque chroniqueur distillera ses connaissances, son expertise. Attention, pas l'expertise hautaine et froide des journalistes de plateau parisiens. Non. Le Flamingo rassemblera des experts approximatifs, des experts de l'à peu près, parce que finalement, la vie... c'est de l'à peu près. C'est se tromper, tomber, recommencer et ainsi de suite, tout en gardant le sourire et sa bonne humeur. Bienvenue dans le Flamingos, le podcast des roulades culturelles et des cabrioles divertissantes. Welcome! Welcome! Et justement, pour ce Flamingos édition spéciale, on peut le dire, on a quand même des chroniqueurs de luxe. Allez, on va prendre dans l'ordre. À ma droite, j'ai Flaming. Flaming. Oui, attention, c'est très important. Ouais, un peu comme... bon, voilà, il y a une petite histoire derrière. Voilà. Flaming. On l'apprendra peut-être par la suite. Est un chroniqueur, tu vas bien? Mais ça va très bien, je suis ravi d'être là. Eh ben, on est très content, on mise beaucoup sur toi, hein, sur cette première. Ouais, mais je m'appuie beaucoup sur vous. Il y a également Ludie. Bonjour à tous. Bonjour Ludie, ça fait plaisir de te voir, ça lumineuse. Ça fait très plaisir. Une experte de l'à peu près, je crois. Hein. Tout à fait, vraiment très à peu près. Ça me fait plaisir. Il y a également... Brie. Mi Bridget Jones, mi Brie Van de Kamp. J'ai cru mi Molette, mi Camembert. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très Desperate Housewife. Non, Bridget Jones, c'est pas Desperate Housewife. Ouais, c'est vrai. Oh, je la classerais un peu dans les désespérés quand même de l'amour. Non? Si tu veux. Ok. Ouais, très belle équipe ce soir. Ravi d'être là. Et toi, c'est comment? Monsieur Loyal, Jack, pour vous servir... Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Vous l'avez compris, c'est du divertissement culturel, mais avant tout divertissant. Hein? Eh bien, on est un peu là pour ça, j'ai l'impression. Ça fait plaisir ce que tu dis. On a un gros dossier ce soir, c'est les super pouvoirs. C'est vrai que c'est notre gros dossier. Eh bien, justement, moi je m'adresse à vous tous. Est-ce que vous auriez, si vous aviez un super pouvoir, lequel ce serait, quel super pouvoir vous voudriez avoir? Alors, le super pouvoir bateau ou le super pouvoir, je sais pas comment dire, moi. Mais le bateau, ça serait, moi je suis vachement empathique. Ah oui, genre le super pouvoir normal, quoi. Ouais, ouais. Mais alors, qui plaît à tout le monde, quoi. Voilà. T'es empathique, ça fait plaisir. Bah, paraît-il, je sais pas. Enfin, c'est les auditeurs aussi qui pourraient le dire. Fleming est empathique, c'est son super pouvoir. Ludie, toi? Un vrai super pouvoir. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai, quoi. Alors ? Ce serait le don de se déplacer aussi rapidement qu'on peut. Ah oui, mais à une vitesse, pas du tout de la téléportation, vraiment. Tu marches, tu cours ou... Non, tu... vraiment, je veux aller là, j'y vais dans la seconde. C'est d'accord. Ça. Hawaï, c'est comme ça. Maintenant. D'accord, c'est un super pouvoir. Ouais, j'aime bien le super pouvoir de Ludie, mais... Ah, t'en as un autre? Bah, peut-être déplacer les objets, pour envoyer les objets que je veux sur les gens que je veux. Télékinésie, on peut ouais. le dire. Ouais. Tu aurais... Vous savez, un truc, moi, pendant des années, et encore maintenant, j'essaye d'avoir une influence sur des objets. Vous l'essayez jamais? Essayez non. de bouger un petit truc. Je suis peut-être idiot, mais... C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais qui croit vraiment, on d'ailleurs? On a tous du magnétisme. Ouais. On a Alors, tous une énergie particulière. Fleming, t'y crois, toi? Moi, je crois à la sieste, le repos. J'ai une aptitude, mais inconsidérable, à pouvoir m'endormir en 2 minutes. J'ai décidé que je faisais... C'est un super pouvoir. Et ça, c'est un vrai pouvoir. Ouais, non, carrément. Tu vois? Non, mais tu vois. Alors, maintenant, le magnétisme, je pense que je m'auto-magnétise sur une sieste. Ça, c'est clair. C'est un super pouvoir de pouvoir s'endormir. Et moi, j'adore. Et t'arrives à endormir les autres? Il faut donner un peu de soi, ouais. Mais je peux y arriver. Ça dépend, si tu parles pendant des heures, moi j'endors n'importe qui, hein, vous inquiétez. Ouais, on est d'accord. Mais j'aime bien l'idée, en fait, c'est intéressant, on est assez mitigé, je pense, sur le... Toi, t'as des pouvoirs Fleming très pragmatiques, l'empathie, c'est ça? Oui, alors ça c'était bateau. Non mais... mais un vrai, vrai pouvoir, c'est ça, hein, ça c'est vrai. Ça c'est ce que disent les gens, après... Ton vrai pouvoir, c'est l'empathie. Non, c'est la vieille bonne sieste de pouvoir t'endormir quand tu veux. Ah ouais, ça je suis un crack là-dessus. J'avais un petit jeu, vous voulez faire le petit jeu tout de suite ou pas? Ah oui, ouais, moi je veux jouer. Allez, vas-y. Allez. Qu'on oublie toute la première partie, du coup, on fait Erase, et maintenant j'ai une enveloppe où je vais distribuer vos vrais super pouvoirs. Chacun a un petit papier sur lequel est écrit un super pouvoir, mais vraiment super, quoi. Et chacun d'entre nous ne sait pas le pouvoir de l'autre, puisque c'est un ticket tiré au hasard, et chacun doit deviner quel est le pouvoir de l'autre en posant des questions. Brille, il est bien ton super pouvoir? Il est super, bah forcément. Ah, moi j'adore. T'adores? T'aimerais bien l'avoir en vrai? Tu l'as en vrai peut-être? Franchement, ça se vérifie. Tu l'as un peu en toi, ce super pouvoir, visiblement. Donc c'est le hasard? Bah, c'est les autres qui le diront. Hein, d'accord. En fait. Et lui dit, tu l'aimes bien ton super pouvoir? Tu vas en piocher un autre? Oui, ça, il peut être intéressant, oui. Ouais, ça veut dire que j'aime pas du tout. Il peut être intéressant. Oui, il est intéressant pour moi, mais peut-être pas pour les autres. Alors, on va essayer de deviner le super pouvoir de Fleming. Ah, Brie, est-ce que t'as une question? Ça va pas être facile, quand même. Bah, on va essayer. Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec le physique? Mais complètement. Mais pas totalement. T'es physionomiste? T'es un physionomiste parfait? Ouais, il faut un peu d'imagination, mais ça peut. Est-ce que tu peux t'en servir pour gagner de l'argent, par exemple? Ah, ça c'est une vraie colle. Ça c'est une vraie colle parce que tu peux te faire griller, mais il faut pas trop donner d'indices, donc faut vraiment deviner, quoi. D'accord, j'ai aucune idée du super pouvoir. Moi non plus. Est-ce que tu voles? Est-ce que tu fais un truc? Est-ce que c'est un super pouvoir qu'on peut avoir en vrai? Ouais, si on l'interprète bien, on peut l'avoir. Ouais. Ah ouais, on peut l'avoir. Je sens que ce jeu va être parfait. Ludie, t'as une question? Est-ce que c'est lié à une transformation? C'est vrai aussi. Alors c'est génial, c'est tout colle. Quoi qu'on lui dise, ça marche. Est-ce que tu peux te changer en animal, par exemple? Eh non, je suis désolé. Ça, je ne peux pas le faire. Quoique, si on lit bien le bouquin, parce qu'il y a un bouquin qui a été tiré là-dessus un petit peu, mais non. C'est super dur comme jeu, en fait. Ouais. Est-ce que ce jeu... Hypnotise les gens. Ah. Ah oui, certainement. Et c'est ça ton super pouvoir, hypnotise? Eh ben non. C'était ça ta réponse? Bah oui. Et quoi? Donc c'est sur les individus, tu peux avoir une interaction avec les individus? Ouais. Mais on n'a pas le droit de développer, mon cher Jack. Bah on veut bien un indice, parce que ça va être très dur sinon, je pense. Ouais, complètement. Vas-y. On peut... Vas-y, repose ta question, je vais développer. Est-ce que tu as une interaction avec des gens? Est-ce que ton super pouvoir te permet d'avoir une interaction avec des gens? Sur le vrai ou le faux, oui. Oui. Sur le vrai, c'est super dur, c'est un indice. C'est super dur. C'est un vrai indice. T'arrives à savoir si les gens mentent ou pas? Ah là, on y est. Ah, c'est ça. Savoir si les gens, ce qu'ils disent, c'est paroles d'évangile ou si c'est faux. Tu sais, si quelqu'un te parle et te ment ou te dit la vérité. Voilà. C'est un super pouvoir, ça. Mais c'est un vrai super pouvoir. Voilà. Alors, qui ment autour de la table? Qui ment autour de la table aujourd'hui? Ouais. C'est personne. On n'a rien dit. On est tous. On n'a rien dit. On n'a pas commencé à ouvrir les débats ou être pour ou contre. Et Bon, voilà. Donc, je pense que Charlène... C'est un super pouvoir. Ah ouais, c'est un super pouvoir. Bravo. Charlène a un point, un vrai point. Ouais. Bravo, hein. C'est pas facile de trouver son super pouvoir. Donc, tu sais qui dit la vérité ou pas. Ça te plairait d'avoir... Ah non, qui dit la vérité ou pas, ou plutôt... Qui ment. Qui ment. Ah, donc, en effet négatif, tu sais qui ment. Ouais. Mais ça te plairait d'avoir ce super pouvoir en vrai? Ouais, ouais, complètement. Là, c'est... Mais bon. Si, tu peux gagner de l'argent avec ça. Ouais, dans la vie, en vrai, on le sait déjà, non? Ouais, tu veux dire que ton intuition te permet de savoir qui ment ou pas. Bah oui, je sais pas, des discours de personnes haut placées, machin. On sait très bien que... Bon, on va pas commencer à rentrer dans des délires. On va pas enfoncer les portes ouvertes, mais on sait qui ment en général. Voilà. Ou alors pourquoi ils mentent ou alors pourquoi ils disent vrai pour dire faux après. Ça, c'est pas mal aussi, ça. Ça, non, c'est des... On est assez d'accord ou pas là-dessus? Ouais. C'est de la duperie. Ouais. Bon, votez pour moi, quoi. Ouais, bon, on votera pour Fleming. En tout cas, Fleming, super pouvoir, j'avoue. Voilà. Vrai nom, c'était Mensonge Détecte. Mensonge Détecte, voilà. Ça, je me reconnais bien là. Ouais. Alors, on va essayer de deviner le super pouvoir de Ludie. Ludie, est-ce que du coup, tu aimes ton super pouvoir? C'est un super pouvoir à action limitée, je dirais. Ouais, mais c'était l'idée d'avoir des super pouvoirs un peu vrais. On peut deviner qui ment, effectivement, comme Fleming le dit. Donc toi, tu as un super pouvoir à action limitée. Tu peux planter des choux et ça pousse beaucoup plus vite que la normale. Ça a un rapport avec la Terre? Non, pas du tout. Est-ce que tu as des interactions aussi avec d'autres individus? Ça peut rentrer en ligne de compte. C'est par rapport au temps, il y a une notion de temps? Complètement. Ah, allez-y, hein. N'hésitez pas. Brie, tu Fleming. Peux arrêter le temps, figer le temps? C'est ça. Tu peux figer le temps? C'est ça, figer le temps, mais c'est limité à 3 secondes. Ah, c'est génial, j'adorerais. Franchement, j'adorerais. En fait, moi, j'ai un autre super pouvoir, je crois. Quoi? Bah, de deviner les pouvoirs des autres, ouais. Ça fait le deuxième super pouvoir que tu trouves. Et là, elle a été très rapide. C'est génial. Génial, mais t'es forte. C'est ça mon vrai super pouvoir. Donc, le super pouvoir, t'aimes pas, toi, pouvoir arrêter le temps 3 secondes? C'est court, 3 secondes. C'est court, oui, 3 secondes. Bah oui, mais on va pas faire des super pouvoirs. En même temps, 3 secondes, ça peut être super long aussi. Mais si tu fais du 100 mètres, tu coupes une course. Non, mais t'es championne du monde de 100 mètres. Toi, tu continues de courir, les autres, ils sont arrêtés 3 secondes. Tu gagnes, t'es championne du monde de 100 mètres. T'es la Usain Bolt au féminin. Enfin, pense à ça. Hein. Donc il faut se mettre à courir, en fait. Bah oui. Pense à ça. J'y pense. Et si, je sais pas, quelqu'un te pose une question gênante, t'arrêtes 3 secondes. Mais c'est éternel. Et t'as le temps de... C'est très long. T'as le temps de lui répondre, mais d'une façon pertinente. Très bien. Bah, super pouvoir. Moi, j'aimerais bien. Pour l'instant, c'est mon préféré. On va essayer de deviner le super pouvoir de Brie. Est-ce que tu aimes ton super pouvoir? Bah, je l'ai déjà un peu, je trouve. Vantarde. Vous avez une idée, vous? La télépathie. Est-ce que tu peux lire dans les pensées ou deviner ce que disent les autres? Non. Bah, c'est un autre de mes super pouvoirs, mais c'est pas super. Bah oui, j'avais cru comprendre, mais finalement... C'est... Ouais. Est-ce que ça concerne une interaction avec les gens? Non. Pas du tout? Non. Avec la nature? Non plus. Est-ce que tu peux gagner de l'argent avec ton super pouvoir? Oh, je pense que je dois pouvoir m'en servir, ouais. Ouais? Oui. Mais tu pourrais devenir millionnaire, par exemple? Millionnaire, je sais pas. Je pourrais m'en servir, oui. Tu pourrais t'en servir. Je pense que Ludie, elle peut devenir millionnaire avec 3 secondes. Si, je pourrais peut-être m'en servir en étant un peu malhonnête, quoi. Ah, c'était un peu le principe des super pouvoirs, quoi. Il y a une part de malhonnêteté. Est-ce que c'est lié à la force physique ou... Non. C'est intéressant, ça. Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu pourrais t'en servir? Oui. Ça m'aide pas du tout, mais ok. Ouais, mais le problème, c'est que... Tous les jours. Ah ouais, tu pourrais t'en servir. Il n'y a que Brie qui trouve les super pouvoirs. Ouais, on est mal, parce que là, elle n'est pas à poser les questions, elle ne va pas nous trouver. Non, je ne vous aiderai pas. Bah, là, on n'est clairement pas du tout dans l'intuition, mais c'est plus du concret et détourner des choses. Alors, je n'ai pas tout compris. D'accord. Bon, alors. Reformule. Voilà, ok. Ça peut être calculé dans ton super pouvoir, mais pas du tout fait au hasard. Alors, fait au hasard, si je, on va dire que je peux le faire involontairement. Mais ah, tu peux aussi le faire involontairement. Oui, ce sera involontaire. Je peux le faire volontairement, involontairement. Faire disparaître... Et ça me servira. Des objets. Non. Donc, aucune interaction avec les objets. Non. Enfin, avec des... Oui, si tu veux, avec des objets, oui, d'une... Oui. D'une façon ou d'une autre. D'une autre, oui. C'est dur. Ah tu ouais, peux nous donner super. Un indice parce ah ouais, que nous, c'est... on n'a pas pris dans notre équipe pour trouver. Bah, c'est pas facile de te donner un indice. C'est une faculté mentale, je veux dire. T'es très intelligente. Ah oui, bah ça, tu le savais déjà. Oui, d'accord, mais au-delà de ça, du coup, c'est ton super pouvoir d'être très intelligente. Tu non, peux gagner c'est... Au... Alors, c'est un outil pour me rendre très intelligente. T'as une mémoire énorme. Ouais. C'est une mémoire... Ah ouais, c'est génial, ça. Je retiens mais... tout ce que je lis. Ah, c'est super. Ah, c'est ça. J'adorerais avoir ce super pouvoir. Tu peux nous faire je crois que c'est le meilleur. C'est le meilleur pour toi, Lydie. Donc, tu lis un texte, tu lis un manuel, par exemple, sur comment créer une centrale nucléaire et tu serais capable de créer une centrale nucléaire. Quoi. Voilà. En tout cas, je serais capable de dire comment faire. Ou monter une pièce de théâtre, mais toute seule avec... Mais par contre, il faut être une bonne interprète. Vous avez vu qu'il est empathique, hein. Il parle pas de centrales nucléaires, de trucs d'argent. Fleming, c'est quelqu'un de généreux. Et dans l'empathie, il n'y a pas de mensonge, je te jure, je te promets. Ouais. Donc, on reste là-dessus. Hein. Donc, Brie, tu peux donc mémoriser tout ce que tu lis. C'est ça. Incroyable. Mais tu serais la femme la plus intelligente du monde, voire l'être le plus intelligent du monde. Tout à fait. Mais pas la plus... comment on dit La plus humble. Ah non, ben ça, on savait, mais... Tant que tu restes modeste. Mais quand, tant que tu restes... Je sais pas si ne pas être humble et rester modeste, c'est bon, c'est tout à fait contradictoire. Si. Est-ce que vous voulez deviner mon super pouvoir? Ben évidemment. Ah oui, c'est vrai. Ah. Je le lis à l'instant, du coup. Alors, est-ce que tu aimes ton super pouvoir? Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, oui. Clairement. Quelque chose que t'es capable de faire Bah non. Pas... Bah si, c'est son super pouvoir. Ouais, c'est ça. Ah oui, bah oui, tout à fait. Fleming a raison, c'est mon super pouvoir. Bien sûr que je suis... Comme toi, tu lis un livre. Le fais tous les jours au petit-déj, j'ai envie de dire. Donc tu peux le faire tout le temps. Comme Ludie a arrêté plusieurs fois le temps 3 secondes, on s'en est pas rendu compte. Pour aller aux toilettes, elle a été très rapide. Et c'est comme ça qu'elle a pu... Mais non, elle a même pas découvert mon super pouvoir. Puisque c'était Brie. Alors, oui, donc, on disait... Que j'ai une faculté physique. Non, c'est pas du tout physique. Faculté mentale, du coup. Oui, ça pourrait être lié au mental, effectivement. C'est lié aux interactions. Avec les... Tu lis dans les pensées. Non, non, non. Non, je dis... Tu manipules les gens. Oui, il y a un peu de ça. Ah la vache. Oui, il y a un peu de ça. Donc tu fais faire aux gens ce que t'as envie qu'ils fassent. C'est pas loin, c'est tout proche. Elle est forte, hein. Tu les fais, t'arrives à les faire bouger. Lève le bras gauche, lève le bras droit. Mais ça marche. Oui, oui, ça a marché aussi dans le temps. Pardon. petite trêve historique intéressante. Merci Fleming. Pardon. C'est l'expert quand même historique, il D'accord. faut le dire. Fait peur déjà un peu, Jack. Mais vas-y, continuons. Eh bien, Monsieur est un orateur. Non. T'arrives à faire dire ce que tu. Diavole. Je peux convaincre n'importe quelle personne de tomber amoureux de... Bah oui, enfin c'est beaucoup plus large que ça, mais je peux convaincre n'importe quelle personne de croire à n'importe quoi. Donc on peut croire qu'on est amoureux de toi alors qu'en fait on bien est sûr pas. D'accord. Mais je te convaincrai tu me convaincs tous les jours. Oh merci. Oh c'est beau, c'est beau. Ah ouais, alors là, on est tous bluffés. Et... Vous verrez les interactions entre les uns et les autres plus tard. Alors, C'était sympa cette petite thématique sur les super pouvoirs. Oui. Il a fallu se mettre dedans, mais c'était très bien. Je crois que Ludie a des compléments, parce que là, on a parlé de super pouvoirs un peu un petit peu sublimé, un peu fantasmé, qu'on aimerait tous avoir. Enfin, franchement, j'adorerais avoir mon super pouvoir que j'ai tiré au sort. Mais je crois qu'il y a des vrais super pouvoirs qu'on peut avoir. Ludie, t'as un petit sujet là-dessus ou pas? Alors, j'ai un petit sujet. Comme on parle de super pouvoirs, je vais vous parler des super pouvoirs du corps humain, mais dans un environnement bien particulier. Ah bon, lequel? Alors, est-ce que vous allez deviner? Dans quel environnement tu situes le corps humain, quoi, du coup? C'est ça. Dans l'eau? Pas dans l'eau. Dans l'espace? Non plus. Donc, un super pouvoir, sur Terre, dans l'air, enfin. Sur Terre. D'accord. Et quand tu dis dans un domaine très particulier, c'est-à-dire... Dans un environnement bien particulier. Au lit? T'as l'air gêné quand j'ai dit ça. un environnement très... C'est bizarre comme... Je vous donne un indice. Ouais, vas-y. Mmh. Ah si, je vous dis nature. Dans la forêt. C'est ça. Et oui, je vous amène en forêt. D'accord. Et je vais vous parler de la forêt et de ses bienfaits. Des bienfaits de la marche en forêt ou encore de la sylvothérapie. Est-ce que vous savez ce que oui. c'est la sylvothérapie? Alors, je sais que la sylvestres, bah, c'est les arbres. Ouais, c'est pas les pins sylvestres? Non. Alors, non, enfin, on va être très honnête, on sait pas ce que c'est la sylvothérapie. Alors, la sylvothérapie, elle est née au Japon et elle désigne une pratique de soins au contact des arbres. D'accord. Qui part du principe que s'immerger dans la forêt, être au contact des arbres, procure beaucoup de bien-être au corps humain. Et au Japon, on trouve même des forêts avec des parcours de sylvothérapie et des hôpitaux à proximité des forêts où les médecins peuvent te prescrire une petite marche en forêt pour régler tous tes problèmes de santé. J'adore, c'est génial. Ça veut dire que le médecin, carrément... Il Tout te dit, frotte-toi un pain pendant 10 minutes et après tu enlaces un être et puis tu finis par faire un bisou à un bouleau. Mais tout à fait. Mais complètement. Et tu l'enlaces même. Tu peux l'enlacer, tu peux lui faire des câlins à l'arbre. On parle de câlins aux arbres. J'adore. On parle de bains de forêt ouais. qui auraient des vertus incroyables tant au niveau du corps que du mental. Tu peux rappeler le nom de cette science? La sylvothérapie. Mais j'y crois en plus. Complètement. Moi, je suis fan des arbres depuis toujours. Je faisais des cabanes, j'ai fait... Je crois que j'ai été l'inventeur un peu de tout ce qui était parcours dans les bois. Je me vante un peu. Hein. C'est vrai que des lianes et tout, j'adore ça. Mais j'adore le contact des arbres. C'est drôle ce que tu dis. Mais juste courir parmi les arbres, juste ça déjà, les nu, voir. Nu, surtout nu. Ah. J'adore courir nu au milieu au soleil, des arbres. Au soleil, c'est mieux. Pas à l'ombre, mais avec du soleil. C'est pas précisé d'ailleurs, faut être du coup, tu oui, vas comme c'est ça. Bah, en botte, c'est très libre, hein, c'est très libre. Ça peut être juste aller se promener, ça peut être pieds nus ou non, mais ça peut être pieds nus. Ça peut être, j'adore ce que t'as dit. Pieds nus ou non, c'est quand même mieux pieds nus, parce que tu es quand même en contact un peu avec la nature, s'il te plaît. Mais c'est surtout être vraiment présent à ce moment-là, en pleine forêt. Se balader en forêt en regardant son téléphone portable n'aura aucun intérêt. Oh, téléphone portable sauf, et forêt. Sauf pour les prendre en photo. Oui, ouais. Souvenir. Brie, toi, tu serais assez partisane de cette thérapie? Alors, j'adore me promener, pas toute nue, mais pieds nus. Pieds nus, ouais, ouais, c'est pour Donc, ça. Pour avoir le contact avec la terre, hein, je pense que oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire. L'humus de la forêt. Ouais. Et en parlant d'humus, est-ce que vous savez d'où vient justement cette odeur particulière qu'on trouve en forêt? Oui, qui sent vraiment la terre, qui sent un petit peu les feuilles. Moi, je dirais des feuilles qui tombent et qui... Peut-être fermente. Des feuilles de vigne, feuilles de... Non, je vois la balade, tu sais, avec... Adam et Ève se sont baladés, ont laissé leurs feuilles de vigne, elles ont séché et elles sentent bon. Non, mais finalement, retour à la nature. Retour à la nature. La dégradation non, c'est pas les du feuilles. Sol, peut-être. Bah, ce sont les arbres et les feuilles, justement, toutes ces produisent des substances, des molécules naturelles qui apportent des bénéfices différents. Et en inhalant, en fait, toutes ces molécules, ça permet la production de dopamine, de sérotonine, les hormones du bien-être. Donc, ça veut dire que si on respire très fort en forêt, ça fait du bien. C'est ça, il y a une forte oxygénation. Ça tient de l'oxygénation plutôt. Exagération de l'oxygénation de l'organisme, mais pas que, puisque on a une diminution du stress, une baisse du cortisol qui est l'hormone du stress, on a une baisse de la tension artérielle, on a une amélioration de la concentration, un renforcement du système immunitaire. Et donc, tout ça, juste en se baladant tranquillement dans tu la forêt. C'est vrai que tu me fais du bien, parce que... Non, mais j'adore... Mais complètement. Franchement, j'adore la forêt. Je crois... J'ai pu croiser... Alors, ça va être bizarre, parce que j'ai pu croiser Fleming dans les forêts. Tout à fait, mais si. Mais si, on s'est croisé dans une forêt une fois. C'est vrai. Alors, c'est impossible, mais dans la réalité, on s'est croisé dans une forêt. Par hasard. Par hasard. Brie, on est allé en forêt des fois, oui. On a parcouru la lande, et ça fait du bien. Tu as raison. Mais d'ailleurs, il me semble bien que tu étais avec Brie, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est parce exactement que, le c'est moment. Vrai, je m'en souviens. Et avec les parents de Brie. Les parents de Brie. Et les enfants de Jack. Et les enfants de Jack. C'était un truc c'est énorme. Ça, c'est ça. Quelque chose d'énorme. Mais c'est vrai, oui, bah oui. Et c'était, comme quoi le monde est petit. Hein. Et c'était un bon moment en forêt. Donc, c'est très intéressant ce que tu as dit. Donc, la forêt, ça nous donne des super pouvoirs. En tout cas, des super pouvoirs d'être relaxé, détente, d'être bien. Tout à fait. Et puis, un petit retour aux sources, ça fait pas de mal. Hein. Eh bien, merci, Ludie. Ça fait du bien, ce que tu as dit. C'est vrai, j'approuve. Alors, cette émission, quand même, c'est les super pouvoirs, mais on a des super défis. On a préparé un petit super défi. Alors, on passe du coq à l'âne, mais je crois que c'est le principe aussi de cette émission. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Vas-y, Brie, dis. Non. Oui. Non, ne pas. Sois pas bridée. Mais c'est pas grave. Vas-y, si. Continue. Nous passons du coq à l'âne dans cette émission podcastique. J'espère que vous appréciez. Et on va lancer tout de suite un défi. Ça va demander des super pouvoirs d'imagination. Est-ce que vous êtes tous prêts ? Oui, on est prêts. Je vais essayer. Vous savez, les autres radios, les autres médias, qui comptent pas vraiment, hein, mais les radios, vous savez ce que vous écoutiez autrefois ? Dans votre voiture ou alors sur cet instrument qui s'appelle un récepteur FM. Bon, eh bien aujourd'hui, on a le podcast et on a besoin, comme les radios, on a besoin d'avoir des jingles pour marquer les choses. Ouais. Donner une empreinte, quoi. Donner une empreinte. Une identité. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Si, c'est ça. Bah, j'essaie d'habiller. Oui, c'est la première aujourd'hui. Et la toute première. Toute première fois, toute. Première fois. Toute. Ludie, première t'es obligée fois. De le faire. Toute première fois. Allez, on y va. Tous ensemble. Toute première fois. Ouh. On était pas mal. Eh bien, pour cette première fois, nous avons besoin d'une identité. C'est vrai. Les internautes ne connaissent pas. Bah, bien sûr. Et il faut qu'ils sachent l'esprit de ce podcast pour savoir s'ils peuvent adhérer. Et moi, je vous propose de créer un jingle en direct. Est-ce que vous relevez ce défi ? On relève. C'est wow. Parti. Là, comme ça, là, impro total. Ça veut dire Parce que moi, je suis au courant de rien. Hein. À moins que les filles, vous soyez. Moi, on m'a rien dit. Hein. Pour toi, pourtant, tu savais tout deviner dans ton super pouvoir. C'est vrai. Et là, c'est tu ne savais. Ouais, c'est vrai. Alors, vous savez, par exemple. J'étais dans l'empathie au départ. Hein. C'était dans l'empathie. Ça, c'est ton vrai super pouvoir. Et la flemme magie t'aiguë. La flemme magie t'aiguë. Alors, chaque radio a son identité sonore. Par exemple, Europe 1, au hasard. C'est Europe 1, ça. Écoutez le monde changer. Donc là, c'est le jingle européen et leur slogan, c'est « Écoutez le monde changer ». Et nous, aux Flamingos, c'est quoi notre identité? On veut savoir. Alors, tu me laisses 10 secondes et je te la sors. Alors, okay, je passe Sophie d'abord. Oui, oui. Alors, je vous fais deux propositions. On a créé une petite trame de jingle. Il y en a un qui est funk, l'autre rock. Petit sondage, qui préfère le funk, Brie? Non, non, moi je préfère le rock. Tu préfères le rock? Ludie? Le rock aussi. Le rock. Fleming? Hip-hop. Hip-hop, c'est presque du funk, donc okay. On y va comme ça. Qui veut commencer du coup à se lancer? Du coup, je vais lancer un jingle et va falloir compléter avec le slogan. Donc ça sera pas écouter le monde changer, ça sera un autre slogan qui nous caractérise mieux. Qui représente aussi notre temps en ce moment. C'est ça. Ok. Je te sens bien, Fleming, t'y vas? On y va, ça y est, je suis chaud. Alors, patate. On écoute notre identité sonore, j'ai hâte. Go, c'est parti. Le Flamingos. La Flamingos, on prend le temps d'une prose, et pour cause, et ben en cause. Bravo! Pas mal! C'est ça, pas ça mal! Bien. Oh, ça m'a pris 10 secondes, merci. Un vrai poète. J'adore finir en prose. C'est un petit peu le sens de ce podcast, un peu culturel quand même. Oui, puis c'est un petit clin d'œil à Prose Combat. J'ai beaucoup aimé MC Solar à l'époque. À Prose Combat, c'est ça? Oui. Eh bien, sache que Brie et moi, on connaît quelqu'un qui a les chaussures. Ah oui, c'est vrai. De MC Solar. Voilà. Non. Bah, moi, je connais quelqu'un qui connaît très bien MC Solar. Voilà. Je pense qu'en fait, de n'importe qui, on peut connaître un truc. Ceci dit, j'aimerais bien voir les schlappes de MC Solar. Les schlappes? Les chaussures. Ah, les chaussures. c'est... On appelle ça aussi des schlappes, mais c'était au collège. C'est ouais, c'est dans le monde hip-hop. Ouais, ou dans le monde des 90, des années 90. Tu peux décrire les chaussures d'MC Solar? Bah, c'est des sortes de baskets. C'est quoi une sorte de basket? C'est pas tout à fait une basket. Si, c'est... mais je crois que c'est des baskets. Non, c'était noir. Je me souviens. Vas-y, blanche. Elles étaient noires, un peu défoncées. Ah bah ouais, moi je les voyais blancs. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, t'as fait un super jingle. C'est vrai, ça plaît? Ouais. Qui veut faire le test du jingle en live? Brie, je te sens bien. T'as sorti la fiche. T'as écrit un petit mot? Ouais, super. Donc toi, c'est rock, hein. On y va? Oui, on y va. Le Flamingos. Le podcast qui passe du coq au cheval et même de la taupe au flamant rose. Ouais. J'adore. Donc, tu peux le redire en live? Le Flamingos, le podcast qui passe du coq au cheval et même de la taupe au flamant rose. Waouh. Fleming, tu peux refaire le tien aussi en live, juste? Ouais, enfin, c'était une belle rime, hein. Ouais. Bah, on est dans la prose. C'est la rime pour la frime ou... ou parce que c'est sublime? Les deux. Ah, voilà. Ouais, je te la refais ou quoi? Ouais. Mais avec jingle ou sans non, jingle? Non, non, en off, en fait. Ça me plaît bien, cet esprit brut. Alors, ok, yo, yo, on prend le temps d'une pause et pour cause, on cause. Yeah. Bien. C'était une autre version. Ouais. Un peu plus... bon, faut que j'aime jamais beaucoup dire. Celle-là. Je c'est trouve qu'il y a un côté très... 19s. Alors, California. California. Boop, boop. Alors, il nous reste Ludie. Hein, toi, t'as choisi rock. T'es dans l'esprit rock et je te sens un peu comme ça. Pertinente, irrévérencieuse. T'es prête? Je suis prête. Le Flamingos. Le podcast décalé qui vous fait vibrer. Wow! Wow! Eh ben, c'est super! Une petite version off? Le Flamingos, le podcast décalé qui vous fait vibrer. Yeah, je vibre. Je vibre. On tient quelque chose. Je pense qu'on a une vraie identité là. On tient quelque chose. Ça me fait plaisir. Ouais. Ouais, oui. Il y a possibilité dans. Alors moi, je suis tout nouveau, tout jeune. Hein, j'arrive, je débarque. Bah, je crois qu'on est trois à débarquer. Hein. Enfin, trois autres à débarquer. Voilà. Ouais. Mais on pourrait pas demander un sondage ou un truc où c'est possible, ça. Lequel vous préférez? Bah ouais, par c'est exemple. C'est ça, oui. Ouais. Bah après, on est très libre. On peut garder les trois et le mettre à plusieurs moments aussi. Dans on la est journée, complètement hein. libre, donc. On fait ce qu'on veut. On va faire un sondage, donc. Vous qui nous écoutez, et j'espère que vous passez un bon moment, comme une petite conversation d'amis, parce que c'est un peu ça qu'on est. Ben, on est un peu entre nous aussi. Et hein. on veut vous inclure dans cette espèce de partage, cette notion un peu de fou rire qui part dans tous les sens. Ça, on en a bien conscience. Mais ça nous fait plaisir que vous soyez là, en tout cas, pour le vivre. Et justement, on va mettre en place ce sondage, comme tu l'as dit. Je m'y engage. Et voilà. Pas. En tant que chef conducteur du Flamingos, je m'engage à mettre un sondage. Voilà. Et toi, as-tu fait un jingle? Parce que t'en as écouté les nôtres, mais moi j'attends le Alors temps. Alors j'ai fait un son. Ah oui, j'en ai fait un. Et comme promis, je vais le faire. Vous voulez l'écouter ou pas? Mais oui, évidemment. J'aurais tellement voulu que vous disiez On passe à la suite. On meurt d'impatience, quoi. Moi, j'avais pris Fung, je crois. Hein. C'est bien Fung. Alors. Le Flamingos. Le podcast qui met les pieds dans le plat et pas que. Oui, je sais. Ça ne voulait rien dire, je sais. Et alors, on a le droit de faire... Ça laisse place à l'imagination. Exactement. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Vous pouvez voter, du coup, on va mettre en place un petit sondage, effectivement, sur nos réseaux sociaux, que nous n'avons pas encore ouverts, mais vous les verrez très vite, vous inquiétez pas, ça va venir, ce sondage, je m'y engage, sera sur le site du Flamingos, voilà. Finalement, cette première émission, elle sert à construire l'émission, en fait. Le Flamingos. Yo, yo, on prend le temps d'une pause, et pour cause, on cause, yeah. Le Flamingos, ça se passe bien dans une bonne ambiance détente. Vous avez... Maqué, c'est comme le Flamingos. Allez, il est l'heure de tester maintenant vos connaissances. Vous êtes tous des experts de l'à peu près, des experts de l'approximatif. Mais est-ce que vous êtes fort dans les devinettes, Fleming? Moi, je crois savoir, enfin, c'est surtout les autres qui le disent, mais je suis assez imbattable là-dessus. C'est un expert de l'énigme, ça fait plaisir. Ouais, ça veut pas dire que j'aurai toutes les réponses. Mais tu es imbattable. Ah ça oui. veut dire qu'on... à peu près. Je suis le mec à défier ce soir. Et on pourra pas te battre. Et ici ce soir, c'est Fleming. Fleming, l'homme à défier. L'homme à battre. L'homme à battre. Ludie, toi, tu te sens bien sur les énigmes? Oui, je suis bien dans le thème de l'à peu près, oui. Dans l'à peu près. Brie, toi, tu devines tout, donc forcément la bonne élève. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vous explique un peu le principe des énigmes. On est allé chercher, piocher sur Internet des énigmes. Moi, j'ai pas vu les solutions. Je me suis un peu brouillé les yeux, je les ai mis dans une enveloppe. Ça s'est fait il y a quelques mois, donc j'ai aucun souvenir de tout ça. On m'a effacé la mémoire. Et ce soir... Heureusement que c'est pas moi qui l'ai fait, du coup. Oui, c'est pas faux. Heureusement. C'est pas faux. Mais ça aurait été toi qui aurais donné les énigmes. Du fait. Voilà. C'est vrai. Et pendant ce numéro du Flamingos, nous allons donc jouer avec ces énigmes. Est-ce que vous êtes prêts à énigme numéro 1? Écoutez-la bien. Internaute... Et pourquoi on commencerait pas par la 2? C'est drôle. C'est drôle. C'est très drôle. Commençons par la 2, alors. Énigme numéro 2. Chacun joue. Ceux qui nous écoutent, jouez. Écoutez attentivement. Parce que peut-être vous serez beaucoup plus rapide que l'un d'entre nous. Ça voudrait dire que vous serez des vrais experts, vous. Attention. Énigme numéro 2. Il nous voit vieillir sans rien dire, car il est très poli. Qui est-il? Je répète, énigme numéro 2, il nous voit vieillir sans rien dire, car il est très poli. Qui est-il? J'ai une idée aussi. Le temps. Mais... Ouais, j'aurais dit ça aussi. Ah oui ? Moi j'en ai un autre. Mais une autre poly, mais non, mais je attendez. Vois pas le rapport avec le temps et poly. Ouais. Mais, ouais. Bah, est-ce que chacun, du coup, lui dit, toi je te sens perdu ? Bah j'aurais dit le temps, mais je vois pas le rapport avec la politesse, ouais. Alors, on va faire un tour de table. Brie, ton avis, je répète une dernière fois, une ultime fois, il nous voit vieillir sans rien dire, car il est très poli. Qui est-il ? Le sage. Donc, Fleming répond, le sage. Oui. Ludie. Le temps ou l'âge ? Il faut choisir, on peut dire les deux. Alors, attends, je vais noter... Donc, pour Fleming, c'est le sage. Non, oui, tout à fait. Ludie. Je m'appelle Fleming. C'est le temps. Ou l'âge. L'âge. L'âge. Ok, ça c'est Ludie. Brie, est-ce que tu as une idée ? Moi, je pensais au temps aussi. Donc, Brie, c'est le temps. Moi, j'ai une autre idée. Mais forcément, tu connais la réponse. Mais non, pas du tout. J'ai dit, personne ne connaît la réponse ce soir. Eh bien, c'est... Pour moi, un miroir. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Ah, c'est pas mal. Mais parce qu'il est poli. Je le trouve assez poli, le miroir. Voilà. On garde ça en tête. C'est l'énigme numéro 2. Chacun a donné sa réponse. Et non la une. Et après, et ça ne marche, pardon. Ça marche pas pour Blanche-Neige. Hein. Enfin, pour la belle-mère de Blanche-Neige. Hein. Ben non, parce qu'elle se voit plus vieille dans le miroir, c'est ça. Mais c'est pas ça, c'est que le miroir lui dit que c'est pas elle la plus belle, que c'est qu'elle elle a vieilli et que c'est Blanche-Neige. Je crois que Fleming veut faire la reconstitution de la scène de Disney. Non, tu mais fais je le la miroir. Vois très bien, mais j'ai peur de me tromper, et je voudrais pas... Non, vas-y, fais le miroir, vas-y. Alors, le miroir, à mon avis, c'est une sorcière. Et toi, tu as dit que c'était quoi ? C'était non, qui ? C'est un miroir magique. Il dit c'est quoi ? C'est la belle-mère de Blanche-Neige qui dit « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. » Et là, le miroir lui dit « Désolé, mais c'est plutôt la plus belle, c'est Blanche-Neige. » Et après, là, effectivement, la belle-mère se transforme en sorcière pour aller donner la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Eh ben c'est très bien, j'avais besoin de cet éclaircissement. Je pense que cette précision est importante. Exactement. Ouais. Ludie, t'aimes bien ce genre de séquence au cinéma ? C'est oui, séquence culte, bien sûr. Séquence culte ! Eh bien, on verra si c'est la bonne réponse. En tout cas, c'est l'énigme numéro 2. Est-ce que vous êtes prêts pour l'énigme numéro 1 ? Je préférais par la 3, moi. Eh bien, attaquons tout de suite avec l'énigme numéro 3. Qui est la suivante. Avant-hier, Catherine avait 17 ans. L'année prochaine, elle en aura 20. Comment est-ce possible ? Ne dites rien. Je repose une dernière fois cette énigme. Avant-hier, Catherine avait 17 ans. L'année prochaine, elle en aura 20. Comment est-ce possible ? Je peux avoir une réponse ? Ah, moi j'ai peut-être une. Tu peux avoir une réponse, et c'est même le principe, Fleming. Mais je voudrais entendre Ludie là-dessus. Eh bien, je dirais que son anniversaire était hier. Mais du coup, elle en aurait 18. Elle en aurait 18. Enfin, tu me perds un peu. La veille de son anniversaire, elle en avait 17. Hier, c'était son anniversaire, elle en a actuellement 18, et l'année prochaine. Elle en aura 19. Mais du coup, elle n'aura pas 20. Ah oui, on est à 20. Est-ce que je peux te dire un secret qui n'est pas un vrai secret, mais toi, tu es né le 30 décembre. Je crois que c'est un rapport avec ça. Non, je ne sais pas. Mais, qui plus est, la veille du 31. La veille du 31. Et je crois que c'est une petite fierté, Ludie. Est-ce que ça nous aide dans l'énigme ? Je ne sais pas. Toi, tu penses, du coup, c'est une histoire de veille ou de... C'est ça, en lien avec l'anniversaire, en tout cas. Ouais. Moi, j'ai une petite idée aussi. Moi aussi. On va dire que j'ai triché, je sais, mais pas du tout. Je ne connais pas les réponses. Moi, j'en ai une, mais j'envoie un débat après. Fleming veut un débat et va nous donner son idée sur l'énigme. Je répète une ultime fois... Avant-hier, Catherine avait 17 ans. L'année prochaine, elle en aura 20. Comment est-ce possible ? Alors, je vais répondre par une question. Donc, c'est un animal, Catherine. Ah oui, tu comptes en chien, c'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça. Ou en chat, si tu veux. Est-ce que quelqu'un sait? Brie, je crois que c'est toi l'experte des à peu près sur les animaux. C'est combien une année d'homme équivaut à une année de... Non. De 3 ans pour un une animal. Une année de chien, ça équivaut à combien d'années d'homme? 7 ans, je crois. 7 ans. Donc, mais un animal, mais... C'est... un chien. Quand tu dis de un chien, 14 ans. Mais qui équivaut à 3 ans ou à 2 ans pour arriver de 17 à 20? Ouais, il mais avait je 10 pense. Ans, 17 le... Mais est-ce que Catherine serait une poule, c'est ça? Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, je pense pas, je pense que Catherine est une femme. D'accord. Et c'est une histoire de date. Oui, ça me paraît assez... c'est l'intitulé de la question, hein. Vous grattez des points comme ça, vous, Brie. Non, je réfléchis tout haut. D'accord. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec Ludie. Une histoire qu'avant-hier, 17 ans, donc peut-être que son anniversaire, c'était hier, donc déjà, elle est à 18. Oui. Et que... tu m'as perturbé. C'est le concept. C'est un peu le concept. Brie, est-ce qu'on peut réécouter ta démonstration? Est-ce qu'on peut écouter ta démonstration? Oui. Vas-y. Alors, avant-hier, elle avait 17 ans, donc hier, elle avait peut-être 18. À supposer qu'on soit... Ah non, on est peut-être au début de l'année, en fait. C'est un peu ce que disait Ludie. Non, mais pas en fin d'année, mais en début d'année. Donc comme ça... Mais elle prendrait 2 ans. Deux ans d'un coup. C'est chaud, hein. C'est chaud. Donc vous n'avez pas vraiment d'idée ou... Ben... Moi, je peux vous dire mon idée. Ben, vas-y. Je pense qu'elle est née une année bisexuelle. Bisextile, pardon. Je voulais tellement faire la blague. Tellement faire la blague. Non, je pense que si elle est née une année bisextile, ah, c'est ça. Ça... Donc, ça colle ou pas? Elle serait née un 28 février. J'adore. Ou un 29. Brie me dit, non, pas du tout, c'est pas possible. C'est la côté... Alors, c'est le côté un peu péda. Vas-y. De l'histoire. Donc, c'est quoi une année bisexuelle? Soyons... bisextile. C'est très proche de l'année bisextile. C'est textile de vêtements, en fait. C'est une année où tu portes que 2 vêtements. L'année bisextile, ça se passe tous les 4 ans, c'est ça? Ou... Oui, c'est ça. On y est. On y est. On n'est pas loin des 3 ans. J'ai pas envie de développer plus que ça. C'est ma réponse. Je pense qu'elle est née une année bisextile. Ça vous va? Oui. Si les poules sont pas nées tous les 3 ans, moi, ça me va. Donc, j'aimais bien votre histoire d'animaux aussi, que Catherine était une poule ou quelque chose comme ça. Bon, chacun a donné sa réponse. On est prêt à vérifier. Donc, on va les découvrir ensemble et on va voir qui... Et le plus proche. Alors, j'ouvre l'enveloppe. Notre huissier de justice, Maître Ludie, du coup, a ouvert les réponses. Alors, on commence par l'énigme numéro 2. Il nous voit vieillir sans rien dire, car il est très poli. Qui est-il? Eh bien, je crois que Jack, c'est toi qui avais la bonne réponse. Wow, bah, ça me fait plaisir. Première bonne réponse, je la prends. Donc, c'était bien le miroir, c'est c'était ça? C'était bien le miroir. Et il n'y a pas de plus de développement que ça dans la réponse? Il y avait seulement le miroir. Enfin, moi, le mien me trahit. Ne me trahit pas le matin. Oui, c'est vrai. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas... Ça dépend si t'es maquillé ou pas. Ça dépend si t'es maquillé ou pas. C'est ça. C'est pas mal. Alors, deuxième énigme. Est-ce qu'il y a une bonne réponse dans la deuxième énigme? Eh ben, on était vraiment pas loin. Brie, t'étais... Alors, on y va. Je repose l'énigme. Avant-hier, Catherine avait 17 ans. L'année prochaine, elle aura 20. Comment est-ce possible? Alors, il y avait bien une histoire de hier. On était le 31 décembre. Elle a eu 18 ans. Cette année, elle va avoir 19 ans. Et l'année prochaine, elle aura donc 20 ans. Ah oui, d'accord. Donc, c'était bien une année bisexuelle. Pas du tout. Donc, elle avait une idée de 31 décembre, 1er janvier. C'est ça. Donc, t'es pas loin d'être Catherine, en fait, en étant née le 30. C'est ça. T'étais à quelques... Ouais, un jour près. T'étais notre Catherine. Bah, très bien. Moi, j'aurais pas trouvé la j'avais première J'avais un peu énigme. Écrit ça sur ma feuille, hein. D'accord. On n'avait pas demandé d'écrire, mais très bien. Non, mais c'était pour réfléchir à haute voix. D'accord. À au stylo, du coup. C'est ça. D'accord. Comment vous avez trouvé cette séquence sur les énigmes? C'est sympa, hein, ça remet les idées en place. Ouais, je suis un peu le cancre de l'affaire, mais il n'y a pas de souci. Fleming, t'étais pas loin, t'as dit des choses intéressantes, j'ai bien aimé. Si on peut pousser le débat. Tu veux pousser le débat sur quoi, alors ? L'année bisexuelle. Ah, ça t'intéresse. Ok, bah une année... Non, c'est une blague. Si, si, une année bisexuelle, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça pourrait être quoi, une année bisexuelle ? Bisexuelle, mais... Pourrait l'année non. garçon-fille, mais... Non, l'année où on choisit, en fait. On choisit quoi ? Ce soir, je serai garçon. C'est ça. L'année où on choisit si on veut être un garçon ou une fille. D'accord. Cette année, je suis une fille, l'année prochaine, je suis un garçon. Vous savez que le choix n'est possible qu'une seule fois. Hein. Après... Ben non, avec l'année bisexuelle, on peut choisir plusieurs fois. Ben non. Si, tu changes tous les 4 ans, non ? Ben voilà. T'as 4 ans pour prendre un pied différent. Un pied différent, c'est le cas de le dire. Chacun son chemin, chacun sa route. En parlant de chemin, de route, ça nous permet de voyager. Ah, très bien, j'en ai vraiment envie. Et, on arrive sur notre sujet, géographie. Nos régions ont du talent. Que nous, on va le dire, on enregistre en Bretagne, vous êtes d'accord ? Tous. On est en plein dedans. Dans la Bretagne. La Bretagne profonde. Et la Bretagne est diamétralement opposée avec une autre région, laquelle ? Bah, le en sud. France. Le sud. On Est. Dirait le sud. Le sud-est. Et on dirait le sud-est. On dirait le sud. C'est, comment il s'appelle ? Nino Ferrer qui chante ça. Nino Ferrer même. Ferrer ? Nino Ferrer, bah oui, il y a Léo c'était Ferrer. C'était un Léo mix. Ferrer et Nino Ferrer. Non, j'aime bien l'idée d'un croisement que... Nino Ferrer, Léo Ferrer qui devient pourquoi Nino pourquoi Ferrer. Parce que Pépère, Pépère, tu l'appelais comme ça, toi, Léo Ferrer. Pépère Léo Ferrer, pour le coup, ouais. Lui habitait un peu à Ploumanac. Ah, là, en Bretagne. Du côté de chez nous. Ploumanac, du côté de... Du château de Costaïres. Du Perros-Guirec, Léo Ferrer. Moi, j'ignorais ce détail. Je ne savais pas non plus. Qui n'en est pas un, d'ailleurs. Bon, du coup, à vérifier, mais il me semble que... Selon la source Fleming, en tout cas, Léo voilà. Ferrer est presque breton. Et j'ai mon écouteur, on me dit, oui, Fleming, tu as raison. Ah, donc apparemment, c'est bon. A priori, c'est bon. Apparemment, c'est bon. Léo Ferrer, croyez-nous sur parole. De toute façon, nous sommes des experts de l'à peu près... Quoi qu'on dise, vous devez nous croire. Et il faudra juste vérifier derrière. Je serais ravi qu'ils me disent que j'ai tort. Mais voilà. Léo Ferrer, du coup, est plutôt dans Bretagne. Mais justement, nous allons diamétralement à l'opposé pour voir la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On voulait voir les différences entre les régions. Et Brie, je crois que tu as un petit peu travaillé ce côté voyage. Voyage hexagonal, mais voyage qui nous plaît. Alors, avant d'aborder les différences, il y a un petit point commun quand même. C'est qu'il y a eu une étude en 2021 pour connaître les régions... Les en 2021 ou 2022, sois précis, 2021. S'il te plaît. Ah, pardon. En 2021, il y a eu même deux études pour savoir quels habitants étaient le plus fiers de leur région. Ah oui. Voilà. Et d'après vous, voilà. Pour que ça colle un peu au sujet. Quand même. Les Bretons sont très fiers de leur région, ça, on n'a pas de doute. Ouais. Ouais. Moi, je suis un peu chauvin, donc je dirais que le PACA était très fier d'eux, quand même. Pas déconner. Mais t'es chauvin, déconner. T'es pas de PACA. Bah non, parce que nous, on est vachement humbles. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, ah oui, tu veux dire. C'est le paradoxe. La grosse tête. Par contre, j'adore le PACA. Hein. J'adore le PACA. Le PACA mais... Eh bien, la Bretagne est la première région. La Bretagne est la première région la plus aimée de ses habitants. Mm-hmm. Et juste derrière, on a le PACA. Donc ça, c'est le sondage de 2021 qui nous apprend que les habitants... C'est une étude, c'est même pas un sondage, c'est une étude qu'ils ont fait. Ah, c'est beaucoup plus sérieux qu'un sondage. Ouais. Comment doit-on interpréter la chose ? Eh bien, que les Bretons sont fidèles à leur région et puis... Le PACA l'est moins ? Alors les PACA, non, ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes, ils c'est sont très mal. Fidèles à leur région aussi, donc finalement, on ressemble un peu. D'accord. Mais c'était pas pour culpabiliser le PACA. Ah mais... non, du tout. Ils non, se non. sont sentis un peu vexés. Hein. Là, on a les retours en direct sur le chat. Beaucoup de réactions de gens de PACA déçus. de Fleming sur, sur sa. Non, mais je suis breton, les gars. Les filles, d'ailleurs. Les filles sont charmantes, Opaka. Bien bon, sûr. Bref. Et j'ai envie de te dire, les bretonnes aussi, hein. Fais gaffe. Ouais, ouais. Bah, ouais, j'en connais quelques-unes. Mais bon, mais. J'imagine. Le Paca. J'ai un attachement pour les deux. Donc. Brie, tu as un attachement pour les deux régions. Pour les deux régions. Donc, du coup, j'ai voulu les comparer un petit peu. Mais d'abord, eh ben, j'ai envie de m'amuser un peu. J'ai envie de rire à vos dépens. On a envie de s'amuser aussi. Voilà, et j'aimerais que vous me fassiez... j'ai envie d'organiser un petit concours d'accent. Ah. PACA versus Bretagne. Ah oh, la vache. Donc, je le fais bien ou quoi? Et c'était quel accent, là? Bah la vache. C'est plus... C'est breton. C'est plus brecon, même. C'est un mélange de breton et PACA. C'est le top du breton, c'est le brecon, quoi. Alors, on y va? Du coup, tu vois ça comment? Chacun fait un accent? Allez-y. Mais on commence par l'accent quoi, alors? Bah, je dois deviner, tiens, ça peut être marrant. Oh, tu vas vite trouver. Attends, j'attends de voir. Vas-y. On peut avoir une phrase type? Non, on non. On dit en breton et en PACA ou pas du non, tout? Non, vas-y, vas-y. J'ai pas prévu, donc vas-y. Une phrase type. Bah, moi, je vous interroge. Quelle phrase dois-je dire en PACA et en breton? Alors, c'est un défi. Alors, c'est je un vais défi. Te donner une phrase. C'est un défi. Je vais aller chercher du lait au supermarché. Tu vas dire version bretonne, vas-y. Ok, bah, je la dis nature alors. Vas-y. Moi, je cherchais du lait au supermarché. Ça, c'est le vrai accent breton. Marché, c'est Côte du Nord. Côte en plus, du Nord. Il y a une hein. petite précision. Pas Côte je vais d'Armor. Chercher du lait au supermarché. Ah, ah non, en fait, le jeu, c'est qu'en fait, Brie devine quel accent il a fait. Il a ah, fait quel accent. Non, non, ouais. Il peut faire les deux. Comme c'est ça, je vais dire lequel est. Ouais, mais j'ai donné une réponse là. Alors, on va faire les deux sans réponse, c'est ça vas-y, le truc, vas-y. Hein. Oh, la vache. Qu'est-ce que je suis mauvais. Alors, une autre phrase, s'il vous plaît. Je vais sur Guingamp et après je descendrai sur Marseille pour boire du cidre. Pas trop long, s'il te plaît. Je vais sur Guingamp et après je descendrai sur Marseille pour boire du cidre. Alors, je vais sur Guingamp et après j'irai chercher. J'irai où? Sur Marseille. Marseille. J'irai sur Marseille pour acheter du cidre. Et dans le PACA. Vas-y, le vas-y. PACA. Alors, PACA, ça sent déjà le pastis. Donc, déjà, ça cause un peu plus. Donc, j'irai à Guingamp, à la gare, pour acheter du cidre quand j'en aurai envie. Et me fais pas chier, oh peu cher. Et j'irai le boire sur la canne de bière. Sur la canne de bière, nique sa mère. C'était bien, c'était l'accent. Moi, j'ai plus reconnu l'accent marseillais, c'est drôle, hein. Ouais. Bah, c'est normal marche. Dans les Bretons. Bon, bref. Du ça coup, marche, on veut pas se. Ludie, toi, tu sais faire l'accent breton, du coup? Peut-être qu'on l'a tous. En fait, vous nous écoutez depuis tout à l'heure et vous devez vous dire. Mais je pense qu'on l'a tous, ouais, effectivement. Que de cutéreux dans cette émission. Ouais, un petit accent PACA, alors. Alors, dis-moi une phrase, Jack. Ah, c'est moi qui dis les phrases. C'est je suis pour. Ah, j'aime bien l'idée d'être donateur de phrases. Je vais à la plage parce que j'aime bien me bronzer sur ma serviette. Je vais à la plage parce que j'aime bien me bronzer sur ma serviette. Et boire une petite anisette. Et boire une petite anisette. C'est parfait. C'est pas mal. Hein? Pas mal, pas mal. On n'avait que la version marseillaise. Marseillaise, hein. Parce que Ludie pense que intrinsèquement, si je puis employer des mots savants, nous avons en nous l'accent breton. Ouais, mais nous... c'est bien de parler breton, enfin, version française. Mais Ludie, toi, mais tu connais plein de mots Ludie, bretons. Ludie pourrait même le faire version bretonne. Tu peux ou pas? Ah, je suis c'est à la défi. Plage. Oui, est-ce que Ludie, tu peux nous le faire version bretonne, du coup? La même phrase. En vrai bretonne. Mais au bon noir en Dresden. Évidemment, Urbonne et Anisette. Je me suis cru sur Radio Comana. C'est génial. Tu peux le refaire, c'est beau. La même phrase. Ouais. Mais au bon noir en Dresden, évidemment, Urbonne et Anisette. Tu sais que tu scotches tout le monde, quoi. Mais oui, mais c'est bon, facile bah, pour elle. Bon, bah, a gagné. Putain, comment tu dis? Je vais essayer de la refaire. Mais au bon... Maisonvent. Warendreisen. Evit. Evan Urbanet Anizet. Evan Urbanet Anizet. C'est-tu bleu, quoi. C'est-tu Dreist. Mais c'est beau. Ouais. Eh, dans ta bouche, là, enfin, le breton, c'est joli. Mais c'est joli. J'adore la grande défenseuse. Mais c'est joli le breton, vous comprenez pas. C'est juste mélodique quand non, c'est ça bien va. Dit. Ouais, quand c'est bien dit. En fait, je pense que ma version était moins mélodique. Bah, tu l'as pas dit en breton. Ah, la tienne, celle que t'as répétée maladroitement, c'est ça. Bon, en tout cas, j'étais dans le vrai ou pas? Tout à fait. Ah, merci. Tu penses que le bretonnant a bien compris ce que j'ai dit? Oui, tout à fait. Oh. Ok, bah t'es une bonne prof. Ça te va ce challenge? Ça me va. Mais du coup, c'est moi qui vais vous donner ma petite version. D'accord. Donc, je le fais à l'impro, là, pour le coup. D'accord. Il y a deux gains dans les rues. Il y a deux gains dans les rues. J'ai bu un petit pastaga parce que je suis une fada et je l'ai renversé, donc ça pègue. Ah oh, la vache, elle est costaud. Alors? Moi, je l'ai, mais... Vous avez compris? Vas-y, version PACA, on va rigoler. Bah, c'est la version PACA, justement. Ah, ça, c'était la... Ah, merde! Ah, je croyais que c'était version PACA, mais non. Ah, la... Alors, c'est la version PACA avec l'accent breton. Est-ce que tu peux faire l'inverse? Cette séquence. Mais non, justement, j'aimerais que vous trouviez ce que ça veut dire. Ah ben moi, j'ai... Tu peux nous le répéter une fois? Je crains des gains. Vas-y. C'est parce que l'accent québécois. Avec l'accent de Joule. Ah la vache, je crois qu'elle avait fait version marseillaise en breton et qu'elle allait mettre l'inverse. Putain. Punaise, pardon. Alors, je sais même plus ce que j'ai dit. Il y a deux gains. Il y a deux gains dans les rues. Donc, comme je suis une fada, j'ai été boire un petit pastaga, mais je l'ai renversé, donc maintenant ça pègue. Ça pègue. Il y a deux gains. Il y a deux gars. Je suis un peu, une tête d'ail, quoi. Il y a deux gains. Il y a personne. Ah, il y a personne. Il y a personne. C'est je ça, personne. Bon, on a été tous les deux, Brie et moi, en PACA, donc on a les codes. Il y a deux gains, il y a rien. Sinon, il y a le Mia. Il y a le Mia. Ensuite, il y avait le pastaga. C'est quoi? C'est une boisson, quoi. C'est le Ricard. C'est le pasta. C'est le pastis, du coup, pardon. Exactement. Pourquoi je ramène tout au Ricard? C'est pastis. Bah, parce que nous, on est comme ça chez nous. On ramène tout au Ricard. Ouais, voilà. Mais bon, il y a deux cultures. Le pastaga, c'est. Ouais. Et fada, alors, c'est quoi? Bah, le fou. Ça, le fou. Ah, lui dit, tu l'avais, toi. Et ça pègue. Ça pue. Ça Par colle. Contre, Ça colle. Ben, en breton, pégant, c'est collé. Ah, donc, gros point commun entre voilà. La Bretagne et le PACA, du coup. Donc, vas-y, tu as le lien, c'est... Bah, arpeg, c'est la colle, et pégant, c'est collé. Et... Ah, donc, il y a un vrai rapport, il y a un vrai lien entre le PACA et la Bretagne. Bah, c'est beau, ça. C'est Bravo. Ça que je voulais trouver les points communs. Bah, on a une experte linguistique et on a deux expertes linguistiques. C'est vrai. Et je pense qu'à la base, c'est pas du tout calculé et on arrive à trouver des... Des points communs. Voilà. C'est beau. C'était l'idée. Et des expressions, des mots qu'on dit qu'en Bretagne. Ah, des expressions ou des mots des qu'on mots dit qu'en qu'on Bretagne. En tout cas, qu'on entend surtout en Bretagne, des façons de parler qu'on entend surtout en Bretagne. Je vais sur Guingamp, ça se dit pas normalement dans le reste de la France. On dit je vais à Guingamp. Sur Guingamp, j'imagine que c'est dans le coin de Guingamp. Et je m'arrête à la gare et après, on verra. Je vais à Guingamp, c'est bien précis, quoi. C'est des Parisiens qui disent « je vais à Guingamp ». Je vais voir la D1. Je vais voir la D1. Non, la Ligue 1. C'est l'équipe la D1, c'est les filles. Non, D1, c'est les filles. Il faut le savoir. Ça aussi. Précision de foot, apparemment. Ah ouais, bah, j'aime bien. D'ailleurs, je suis un petit peu. Mais... D1, c'est le championnat Ligue 1 de chez les filles. Et Ligue 1 en vrai, chez les pros, chez les mecs. C'est donc vrai, c'est Ligue 1. C'est les pros de Guingamp. C'est le AG, quoi. L'en avant Guingamp. Sauf qu'ils sont en Ligue 2. Sauf qu'eux, ils ne sont pas en Ligue 1. Quoi. Très beau, très bel exemple. Voilà. Et Brest, ils sont en Ligue 1. Brest se maintient, oui, il se maintient. D'accord. Et les fils, ça serait du D1. Ok. Voilà. Petite précision intéressante. Oui, voilà. Bon, Voilà. Non, c'est intéressant. On a des experts de l'à peu près, mais qui sont assez pertinents. Alors oui, expression, moi j'avais sûr. Ludit, t'en as quoi qui se disent que en Bretagne, des expressions que bretonnes Ou des mots. Ou bah, des mots. On a plein d'expressions, je pense, avec des mots bretons. Et on, sans le savoir, on les emploie. Et... Si ça se trouve, on les a employés ce soir, vous avez entendu des mots que vous n'entendiez jamais. Si vous n'êtes pas breton, évidemment. Alors j'avais noté boire un jus. Boire un jus, d'accord. Surtout en Bretagne. Ah bon ? On ne dit pas ailleurs ? Boire un jus. Et en breton, quand on arrive en tant que touriste, comment des phrases qui claquent et qui disent bah, « Ah purée, ça y est, je suis intégré en Bretagne. » Je sais pas, « Brau et un amzer. » Rien que ça, quoi. Non, mais rien que ça. « Non, de Dieu. » Ah, « Non, de Dieu, oui. »« Non, de Dieu. » J'ai pas compris. D'ailleurs, mon Dieu, en... Oui. En PACA, c'est Boudiou, donc ça ressemble un peu. Aussi. Boudiou. Boudiou. Boudiou. Boudiou. Moi, j'ai un pote qui s'appelle Boudiou. Non, Boudiou. Est-ce que ça peut être une expression qu'on dit qu'en Bretagne ? Moi, j'ai un pote qui s'appelle Boudiou. Peut-être, oui. Et non, en plus, c'est super sympa. Il manquerait plus qu'il soit pas sympa. Bah, de toute façon, en Bretagne, on est tous sympas. Une expression qu'en Bretagne. Il y en a d'autres ? Il fait frisquette. Ah, ça, c'est que... ça se dit surtout en Bretagne. Ça doit se dire ailleurs, par exemple, puisqu'il y a des Bretons partout. Il mais... fait frisquette, c'est que chez nous, mais maintenant, ça s'est un peu propagé, quoi. La bigaille, ça se dit surtout les pièces, en Bretagne aussi. Ouais. On est d'accord. Moi, j'en ai une autre, du coup, que je pense... on est au taquet. Parce que sur les... Non. Dans le sud, ils le disent. Hein, parce que je crois que... Quel groupe disait au taquet? Et ça, c'est du hip-hop de Marseille. Et c'est dans le paquet en plus. Je crois que c'est la FF. La FF, la Funky Family. Ouais. Donc, c'est la Funky Family. Donc, au taquet, c'est pas vrai que en Bretagne, apparemment. Mais il y a un lien avec le PACA. Voilà. Donc, finalement, la Bretagne, PACA, on est assez proche. Même combat, si je puis dire. Bah, c'est plutôt sympa. Merci de nous avoir fait voyager entre les différences, voir les points communs, du coup. Bah, les points communs qu'on a trouvés. Ouais, exactement. C'est incroyable, les points communs qu'on a. Bah, en tout cas, merci. On a écouté attentivement cette chronique parce que ça nous a fait voyager. Je crois que je l'ai dans le PACA bientôt. Hein. Ah, ouais, moi aussi. Mais je suis en vacances la semaine prochaine. Je sais pas trop. J'espère que normalement que le soleil sera là-bas. Voilà. Le soleil est surtout en Bretagne, malheureusement, pour les habitants de PACA, mais... Apparemment, on a mis la carte de France à l'envers, hein, niveau météo, ces derniers temps. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Flamingos. Je vous propose de conclure ce rendez-vous par un dernier jeu. Vous aimez les jeux ? J'ai l'impression que vous êtes joueur ou joueuse. Oh, youpi, allons-y. Vous êtes prêts ? Ça prêt. S'appelle le Google Advice River, c'est ça ? Le mec qui fait un jeu, il sait même pas le nom du jeu, quoi. C'était écrit quoi sur le... Le Reverse Google Review. J'étais pas loin. Reverse Google Review. On va jouer au Reverse Google Review. Alors, le principe est très simple. Des gens ont laissé des avis sur Internet. Et il va falloir trouver... Quelle profession est concernée par cet avis ? Quelle entreprise a été du coup pointée du doigt par les internautes qui ont laissé des avis ? C'est clair le jeu ? Très clair. Ça, c'est limpide. D'accord. Vous êtes prêts ? Non, on t'écoute. Pas du tout. Ah, Fleming. Non, c'était une blague. C'était une blague. Il est parfaitement prêt. Premier avis d'Irvin qui nous dit « Intervention rapide et travail propre ». Carglass. En cas de pépin urgent, c'est la personne à appeler. Donc c'est Irvine qui nous dit ça. Vous pensez à quel corps de métier ? Donc Carglass pour toi, Fleming ? Oui, c'est pas un corps de métier. Hein. C'est un pas plombier. Ça. Bah, c'est une bonne réponse. Oh, je suis forte. Je promets que Brim connaît pas la réponse. Je sais pas comment tu fais. Bah, c'est peut-être mon super pouvoir. Ouais, t'as un super pouvoir de don de divination. On revient au début de l'émission. Bravo. Voilà, mais les dés sont pipés. Bah, on dirait, hein. J'avais un dernier avis. Bon, du bah, coup. Ludy, on y va. Bah, bonne soirée, les auditeurs. Nous, c'est l'heure. Bah, voilà, il était temps, c'est l'heure. Alors, bah, pour aller plus loin, j'avais un dernier avis qui confirmait bien ça. Lily, qui a laissé une étoile. J'aimerais bien parler avec le responsable de cette société. Il a mis un élastique autour du tuyau et a pris 250 euros juste après. Et il y avait tout de même une fuite. C'est vraiment de l'arnaque. Voilà. Donc, effectivement, ça confirme bien que c'était un plombier. Bravo, Brie. Vous êtes prêts? On mise tout sur la dernière, le dernier review Google. T'imagines tous les plombiers qui t'ont écouté là? Ils te haïssent là. Non, mais c'est un plombier, on n'a pas dit d'où. On peut dire que c'est un plombier de Bretagne, cela dit. Hein. Allez, dernier. Bah, moi, j'adore les plombiers. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, c'est vrai. Mm. C'est très précieux, un plombier. Mm. Alors, on y va. Sortez les violons. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Il y a de moins en moins de gens qualifiés qui les contraintes de travail, les, enfin la retraite à 60. On a dit combien? 64. 64. Et lui maintenant. Le pauvre, il sera encore à 68. Hein. Enfin, voilà. Mais voilà. Heureusement qu'il n'est pas fonctionnaire. Je pense allez, qu'il fallait ton coup de gueule, c'est important. Ouais. Non mais c'est bien. T'es passionné, tu y vas, quoi. Voilà. Bon, c'est un appel à tous les jeunes qui veulent s'engager. Flaming. Lancez-vous dans la plomberie. Voilà, lancez-vous dans la plomberie. Il y a non, du boulot. Non, mais c'est vrai, ils seront ravis. Au final, je suis sûr. Métier exigeant, mais rentable. Bah, et qui rend service. Et qui rend service, vous ferez plaisir aux gens. Voilà. Je vous rappelle qu'on joue... au reverse Google review. Merci. Au quoi? Alors, au quoi? J'ai au pas quoi bien compris. Ouais, je suis sûr d'oreille. C'est l'heure. Reverse Google review. D'accord. Elle le dit tellement bien. C'est vrai, elle le dit bien. Ouais. Et on doit trouver du coup qui se cache derrière les avis Google. Et cet avis est de Laurence qui nous écoute très certainement. Mais évidemment. Un accueil très sympathique, nous dit Laurence. Des pièces agréables à utiliser. Ne manque plus qu'un peu plus d'invités et tout sera parfait. Il est prévu qu'un peu plus de mobilier soit installé pour les jeux. Alors, si vous y allez voir par vous-même, nous y retournerons régulièrement, nous dit Laurence. Voilà, déjà. Alors, qui se cache? Quelle profession, entreprise commente Laurence, du coup? Moi, je trouve déjà bizarre sur l'état publicitaire qu'il manque des choses et venez voir pour vérifier si c'est bon ou pas. Oui, on dirait un commentaire déjà du mec qui est déjà dans l'entreprise et qui essaye de faire la pub, non? C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une vraie fausse pub. Mais comme dirait Carl Zero, par exemple, à l'époque. Mais alors, donc, ça viendrait de quoi? Airbnb? Non. Airbnb, toi, tu penses? Bah, moi, j'aurais été là-dessus. Ouais, le nombre de pièces indique plutôt un logement, un gîte. Un gîte. Ok. Vous voulez un deuxième commentaire pour voir si vous avez trouvé bien l'entreprise, si c'est du Airbnb? Allez. Alors, on a un petit commentaire d'Elea Epicea. C'est joli comme pseudo. Elle nous dit « Quel plaisir !» Des patrons gentils, accueillants et rassurants. Un endroit moderne et propre qui compte nombre de coins géniaux. S'il ne devait y avoir qu'une seule chose à dire, c'est peut-être le fort taux de chlore dans la balnéo, qui pique un peu les yeux. Et puis c'est allé un petit peu sensible. Mais bon, au moins c'est propre, qu'elle nous conclut. Un camping pour chien et chat? Non, c'est avec chien et chat, pardon. Une thalasso. Une thalasso? Ouais. Non, vous êtes pas encore sur la piste. C'est assez proche. Un hôtel, alors. C'est assez proche d'un lieu d'accueil, oui. Un hôtel. Mais ce n'est pas un hôtel. Je pense que si je vous dis l'avis de Jaka, ça va vous aider. J'étais de passage lundi après-midi. Par curiosité, avant de venir avec mon épouse. Mais pas emballé, peu de monde. J'adore. C'est véridique. Oui, ça, c'est complètement véridique. C'est tiré... Un club échangiste. Elle est vraiment brillante. C'est la plus farte, c'est Brie ça? Serait-elle brillante? Je ne dis pas la réponse. Toi, tu penses, Brie, que c'est un club échangiste? Ouais, je sais pas. Ils ont bien insisté sur le nombre de personnes. En général, tu pars en vacances, t'es content s'il n'y a pas trop de monde. Là, ils veulent vraiment... Ah, J'adore. Ludie, qu'est-ce que tu penses de cette réflexion? Mais oui, le nom, la notion de pièce et de coin. Sincèrement, moi, je vous l'adresse. Alors, c'est en Bretagne. Je peux juste vous dire un truc, le plombier est breton, l'entreprise que nous cherchons est bretonne également. Allez, dernier commentaire qui ne laissera pas de doute, c'est le commentaire de Sophie qui nous écrit ceci sur Internet. Elle nous dit, par rapport à l'entreprise qu'on cherche... On cherche toujours une seule et même entreprise. Oui, hein. Oui, tout à fait, c'est la même. Non, c'est bien de recadrer, parce que moi, je me suis un peu perdu. Il y a un rapport avec la plomberie ou pas? Non, la plomberie a été trouvée. Maintenant, on est parti depuis les trois derniers commentaires sur une autre entreprise. Sophie nous dit, très déçue, plein d'hommes seuls qui essaient de vous tripoter... Mais non. Et pas de couple. Mais oui. Accueil sympa, cependant. Alors, c'est étrange parce que elle arrive, elle se fait tripoter par tous les hommes, mais elle dit accueil sympa quand même. Donc, Sophie n'est pas forcément déçue de son. Donc, effectivement. Elle était sur une année bisexuelle. Est-ce que ça confirme l'idée de Brie? Vous êtes plus. Je crois qu'elle est sur la bonne piste. Eh bien, effectivement, c'était un club libertin. Allez, si je vous donne la ville, il ne doit pas y en avoir 36. Vous voulez que je vous donne la ville? Bah oui. Bah, c'est un club libertin à Plérin, donc c'est dans les Côtes-d'Armor. Ah, tu le connais peut-être? Je suis passé devant souvent. D'accord, ok. Brie, il faut que tu donnes l'adresse. On pourrait y aller tous ensemble pour découvrir, alors, pour découvrir le site et donner notre avis véritable. Eh bah, ben, c'était sympa cette petite émission là. Écoutez, c'était une première. On découvre un peu avec vous cet espace qu'on ouvre qui s'appelle le Flamingos. Brie, je crois que t'as apprécié. Moi, nous, on a tous apprécié. Ta voix, ton aura. Je sais que je m'adresse à Ludie en disant Brie, je sais. Brie, je crois que tu as apprécié du coup. Bah, beaucoup. Surtout ton intuition. Ah oui, c'est vrai que t'as été la plus intuitive de l'émission. T'es très forte au jeu. Voilà, en fait, j'ai découvert mon super pouvoir durant l'émission. Ça veut dire qu'il faut être plus méfiant les prochaines éditions. C'est-à-dire? Devine tout. Donc il faut qu'on joue sur un autre terrain de jeu, moi et Ludie, quoi. Et toi, en l'occurrence. Trouver des énigmes plus dures. Elle est trop forte. On trouve des énigmes plus dures pour la prochaine fois. C'est ça, oui. C'est ça. Brie a fait une entrée fracassante dans ce Flamingos. Tout comme Fleming. Merci en tout cas. Elle a mis tout le monde d'accord. Ouais, merci à tous. Ludie, tu as été formidable aussi. Cet accent breton, je crois que... Et en fait, cette voix bretonne en breton, personne s'y attendait ce soir. Hein. Bah, je désigne Ludie gagnante. Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Bah, si, c'était un concours d'accent. C'est ah oui, sur les accents, d'accord. Bravo Ludie, merci en tout cas d'être venue dans le Flamingos. Eh ben merci à vous, c'était très agréable de se remettre dans le bain et de retester un nouveau format. À bientôt. Goodbye, Canavo Béchal.